en bon journée passée. C'est bon moment pour chercher consolation, mener à réconciliation. En bon fraîcheur passant les mains, moins t'es là qu'à penser tout bon moment. Et puis misère passé ensemble. Pas t'es satiété qui est venu, pas t'es satiété qui est réconcilié, réconcilié. Pas t'es satiété qui est venu, non, pas t'es satiété qui est réconcilié, réconcilié. Pas t'es satiété qui est venu, pas t'es satiété qui est réconcilié, réconcilié. Pas t'es satiété qui est venu, non, pas t'es satiété qui est réconcilié, réconcilié. Non, c'est pas un erreur. C'est pas un erreur.